Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir en ce 29 mars 2012. Et une semaine remplie. On y va tout de suite avec la présentation des collaborateurs. Bonjour, bonjour Jean-François, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, pas mal. C'est passé une bonne semaine? Oui. Oui? Tout dans ta semaine s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, c'est tout des kudos. On va en reparler tantôt. OK, excellent. Et il y a Vincent qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Donc, toi aussi, la semaine s'est bien passée? Oui, ça a bien été. C'est une belle semaine, je pense, oui. Avez-vous remarqué que Vincent s'est fait couper les cheveux? Oui. C'est sûr que dans l'application mobile ou dans le podcast, ça se remarque beaucoup. Là, on va le mimer. Oui, c'est ça. Il va mettre une photo de lui dans la version... Ah oui, c'est ça. Easter eggs que je peux mettre une photo dessus. Excellent. C'est bon. Ben oui, parlant d'Easter eggs, c'est Pâques qui s'en vient. J'espère recevoir un gros Mac en chocolat. Un Power Mac, en fait. Je veux un gros Power Mac en chocolat. Ça va faire plein de chocolat. Mm-hmm. Je gogosse depuis tout à l'heure, mais c'est parce que je vais aller dans le document que je n'ai pas ouvert... Voilà. Et Bernard ne se joindra pas à nous ce soir, mais il sera de retour pour le podcast Mac Québec la semaine prochaine. Oui. Donc, j'ouvre le document ici. Voilà. Donc, les amateurs de Mac, bonsoir. En fait, c'est un podcast de questions-réponses. Je vois qu'il y a beaucoup d'invités dans la chat room. Donc, c'est un show. Est-ce que vous pouvez venir nous poser des questions? Et pour cela, il faut vous créer un compte dans Spreecast. Et dans le chat, vous pouvez nous poser des questions. Il y a un petit bouton pour chatter et il y a un petit bouton pour envoyer les questions. Puis nous, on va pouvoir les envoyer. Et l'avantage de poser des questions directement ici, ben, c'est que vous pouvez gagner des applications et plein de belles choses. Ouhou. Et Vincent, notre Dana White local, qu'est-ce qu'on a à gagner cette semaine? Est-ce qu'il cette connaît Dana White? À gagner. Non, j'ai aucune idée c'est qui, mais ça a l'air d'être assez vieux, merci. C'est la fille de la roue de la fortune, je pense. Exactement. Celle qui tourne les voyelles et les consonnes. Oui. Donc, cette semaine à gagner, on a des licences de Clean My Mac à faire tirer. Excellent. Ainsi que de Printopia, donc en fait, le simulateur de AirPrint, si je peux dire comme ça, pour pouvoir utiliser votre imprimante, même s'il n'est pas compatible AirPrint. OK. On va avoir une licence de ça, puis une licence de Clean My Mac. Puis, cette semaine, ça va être ça. Et on m'annonce, en fait, et vous le savez en même temps que nous, on a lancé la semaine passée un concours, mais on n'avait pas de page, pour l'instant. Donc là, on a une page que je vais vous envoyer de ce pas dans le chat. On va la rajouter dans les notes du podcast aussi. Donc, c'est macquebec.com/concours au pluriel smart-cover. Et vous allez sur cette page-là. La manière qu'on va procéder, c'est qu'il y a sur la page cinq photos de Apple Store partout dans le monde. Vous nous envoyez en fait vos réponses, photo 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous avez les bonnes réponses, à ce moment-là, vous êtes mis dans le pool de personnes qui peuvent être pigées. Ce qu'on va faire, c'est que ce concours-là va toffer pendant un mois. Vu qu'on est à la fin du mois de mars, on va le faire pour tout le mois d'avril. C'est pas une farce. Et on va, à la fin du mois d'avril, on va faire tirer le prix. Et je peux déjà, en fait, si vous nous suivez pour les 6 prochains mois, je peux déjà à peu près vous dire qu'est-ce qu'on va avoir comme concours. On va en avoir un comme ça à chaque mois pour les 6 prochains mois, du moins. Je vous le montre. C'est Jonathan Laberge sur Twitter et sa compagnie iPlanetPod qui nous ont offert un smart cover. Et j'ai vérifié, c'est bien le malgré qu'il y a quelqu'un qui m'obstinait tout à l'heure sur Internet, mais c'est bien le code des derniers qui ont été mis à jour à la mi-2011. Donc, théoriquement, il fonctionne sur les nouveaux iPads. Mais sinon, c'est fait pour les iPad 2, évidemment. Donc, en fait, on a plein de bonnes choses pour vous. Et incessamment, ben, en fait, on va probablement mettre le bouton de donation, histoire que la carte de crédit de JF, il ne sait pas, mais on l'a rempli à coup de cadeaux à acheter. Et je vais vous montrer, en fait, deux autres cadeaux qu'on va donner dans les... Il y a M. Paquin aussi, s'il veut donner quelque chose dans le chat, on est très recevant. Oui, c'est ça. Bien, il y a beaucoup de monde qui nous approche. Donc, cette semaine, les gars de Gorilla Mobile, que j'avais un petit peu agressé sur Twitter parce que leur produit est vraiment, mais vraiment, vraiment chouette, ils m'en ont envoyé deux, en fait. Donc, c'est d'une valeur de 70$. C'est les Gorilla Mobile Ori pour iPad 2. Et je vais savoir dans deux jours, en fait, s'ils vont mettre à jour le truc pour la nouvelle épaisseur. Là, il y a moins d'un millimètre, mais elle ferme pas parfaitement. Donc, ils m'ont dit, ben écoute, on va le savoir le 30 mars si on met à jour ou si on le laisse comme ça, puis qu'on dit, bon, ben ça fait. Fait qu'ils vont, s'ils le mettent à jour, ils vont peut-être m'en envoyer d'autres. Mais en attendant, on a ça aussi à donner dans les prochains mois. Et je vais en faire un review parce que c'est vraiment un produit duquel je suis tombé en amour. J'arrête pas d'en parler à tous les podcasts depuis. Oui, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on a eu nos licences, puis on va continuer d'en donner des concours. Ça nous fait plaisir. Si vous avez si vous participez pour un développement quelconque d'une application ou vous connaissez quelqu'un qui peut nous envoyer des licences comme ça, envoyez-nous un courriel, il n'y a pas de problème. Nous, comme pour Clean My Mac ou pour Printopia, nous, on approche certaines compagnies pour faire un test complet. S'ils nous offrent une application, on peut faire tout un test complet. Puis on peut la présenter après ça, les plus, les moins. Vous la présentez sur MacQuébec. Puis, bien, en fait, on propose, s'ils veulent aussi participer au podcast, donc nous, en fait, vous donner des applications gratuites. Puis, jusqu'à date, c'est assez réussi. Ça va, ouais, ça va, on fonctionne très bien. Donc, on vous remercie à tout le monde. Voilà. Pour faire un petit retour pendant qu'on est dans la section concours, la semaine passée, on avait quatre questions en ligne, en fait. Et on y va par ordre, je pense. C'est l'ordre de pige, c'est ça? Oui, j'ai placé l'ordre de pige, oui. OK. Donc, à ce moment-là, la première personne, qui est Matt31, va pouvoir choisir. C'était quoi l'application qu'on voulait donner? C'était Azul, je pense. C'était Azul, oui. Oui, donc une application Azul, s'il veut l'application, ou sinon, c'est trois. Il y a le choix dans trois petits covers pour un iPhone. Des trois, ouais. Un des trois, soit cover pour iPhone, soit cover pour iPod Touch. Celui pour l'iPod Touch, c'est une cassette très, très rétro, le Maxwell beige, très cool, ça camoufle bien. Voilà. Et il y avait YF, L underscore DPG et Barnac, qui est avec nous. Un fidèle auditeur, ce Barnac, qui est tout le temps là pour nous poser des questions et nous rappeler à l'ordre quand on dit des niaiseries. Et en fait, il fait pas mal égal. Il pose plein de questions, puis il nous reprend pour nos niaiseries. Voici le moment que vous attendiez tous, en fait. Moi, en fait, je suis très curieux parce que je me suis cherché. J'ai un petit coup de dose cette semaine, mais ouais, je vais vous le dire avant parce que la pièce de résistance, là, ça fait 2-3 jours que JF est comme en furie sur Twitter. Il veut tout arracher. Je t'en feu! Il veut brûler... Il veut brûler la compagnie. Pour ma part, il y a le budget fédéral qui est sorti aujourd'hui. Et, Flaherty. Pardon? Flaherty. Oui, le budget Flaherty. On est désolé, il y a quelqu'un qui est tout nouveau avec l'interface et qui a fermé la diffusion. Quoi? Ben, j'aimerais ça être là. Hey, tu viens là? Attends un peu, là. Accepte, bon. Là. Bon. Voilà, donc je fais juste, je vous demanderai en fait si c'est possible pour vous de tout aller tweeter le fait qu'on est à cette nouvelle adresse qui est la même, mais -4 au lieu de -3. On va laisser quelques minutes, quelques secondes aux gens pour... Hey, non, c'est pas de ma faute. On dit pas c'est qui, mais non, c'est mais pas JF, c'est pas moi, puis c'est pas Vincent. La personne concernée devrait être gênée en ce moment. Ah ouais, elle est super gênée. Kim, t'es-tu gênée? Oh! Oh! Oh! Oh! Donc, on est à 9 participants. Bonjour Alexandre. Bon, les autres vont nous trouver, là, les guests. Là, 8 participants dans l'application, puis t'as dit 9 en ce moment? Oui. OK. On a un gros 15. Yeah. On tape des scores. Donc, c'est ça, j'allais parler en fait on était rendu au coup d'os et au coup de 12. Au niveau du coup d'os, moi, je pense que j'en ai pas cette semaine particulièrement, mais le coup de 12 irait au budget Flaherty qui ont enlevé, en fait, qui ont coupé tout ce qui est recherche fondamentale. En fait, c'est quelque chose d'assez important. Je suis allé voir sur Internet c'était quoi la recherche fondamentale, ce qui mettait vraiment l'emphase là-dessus. Et c'est la recherche, en fait, qui n'a pas de base économique. C'est pas pour comme produire quelque chose qui va vendre. Mais la recherche fondamentale est super importante parce qu'on ne sait jamais vers quoi ça découle, ça part, puis c'est comme tu fais des recherches, puis à un moment donné, tu trouves comme telle idée, c'est un peu de la recherche, mais à l'aveugle, si tu veux. Mais et ça l'a déboulé, en fait, sur deux trucs, là. Peut-être vous connaissez ça, là, c'est pas vraiment important, là. Le laser et la théorie du chaos découlent de la recherche fondamentale. Fait que, tu sais, c'est comme s'il disait, ouais, nous autres, découvrir comme ce qui va nous pousser plus loin en tant que civilisation, ça nous intéresse plus ou moins. De toute façon, on risque d'avoir des grosses preuves scientifiques que, je sais pas, Dieu n'existe pas, mettons. Puis ça fait pas notre affaire. Fait que ils ont coupé là-dedans. Fait que c'est mon coup de 12. Vincent? Moi, écoute, un coup d'os pour... ben écoute, on va aller dans la même lignée pour les scènes qui vont être enlevées au mois de... à l'automne. Oh! C'est pas bon, les scènes qui vont être enlevées. Je suis plus capable. Je comprends, mais combien ils vont te vendre tes affaires à 99,99? Mais ils vont vendre 2 piastres au lieu d'une 99, puis je vais être bien content de payer 2 piastres au lieu d'une 99. Ouais, mais de toute façon, t'as-tu calculé avec la taxe? Ça donne 2,15 et 6, genre. Fait que une 99, ça donne 2,25 avec les taxes. 2,25 avec les taxes? Fait que, ouais, t'as 2,26, là. Ouais, c'est ça, mais c'est pas la scène en bas qu'ils vont faire, c'est la scène en haut. T'sais. Ben, tant que c'est. C'est comme quand je vais chercher un café, c'est 1,94, mais quand je vais chercher deux cafés au lieu d'être 3,88, c'est 3,89. Fait que, tu sais, ils font la moyenne. C'est bon. On va unleasher. on va unleasher JF qui va nous parler un petit peu. De quoi tu nous parles? Ben, moi, je vais vous parler de mon coup d'eau de la semaine. Mon nouveau MacBook Pro. Oh! C'est vrai que je sais pas si vous avez remarqué, mais le son est pas mal mieux. Je sais pas si on le voit avec la caméra. Là, ah, si ça continue, il va se fermer, on va te perdre. Oui, je sais. Bravo, champion. Fait que mon nouveau MacBook Pro et mon coup de 12, attention, cela va à Vidéotron avec leur nouvelle Illico télé nouvelle génération qui date des années 90, début 2000 même, avec leur interface qu'ils vont nous vendre, leur nouvelle interface que c'est révolutionnaire et que c'est eux autres qui sont meilleurs que la compétition. Là. C'était dur à battre le rose... Je dois dire, là, maintenant, ils ont une interface noire et jaune, puis déjà, ça bat le rose. Je peux pas rien dire contre ça. D'ailleurs, moi, j'ai l'hélico chez nous, donc Au moins, je suis content qu'il va y avoir du noir. Oui, OK. Les couleurs, là, OK, ça, on s'entend. Mais sauf qu'il n'y a rien de nouveau. Tu sais, je veux dire, dans l'interface du guide horaire, il n'y a vraiment rien. Tu sais, c'est comme... tu peux voir où est dans ta petite ligne. Où, mettons qu'il est 10h15, tu vas voir ta petite ligne qui est à 10h15 dans ton feed du guide horaire. C'est tout. Là, tu sais. Puis des trois genres de nouveaux menus que tu peux avoir accès au guide horaire. Il n'y a rien. Là. On voulait le multi-room. Ils ont dit que ça faisait 3 ans qu'ils développaient pour ça. Puis ils n'ont même pas encore mis le multi-room après 3 ans de recherche puis de développement. Là, je la comprends pas. Là, Éric Paquin sur le chat dit des apps à venir. Des widgets, il faut faire attention. Là. C'est pas la même chose tout à fait. Là. C'est des trucs. En fait, je pense que JF, là, salement, là, les widgets, là, ça va être. Les widgets, je serais pas capable. Là. Moi, de voir du Star Academy, puis du The Voice, là, que TVA a acheté les droits, là. Fait que ça va être Star Academy, puis The Voice. Et comme M. Ducharme dit, Twitter, Facebook ne sont pas intégrés dans la nouvelle interface que Bell Téléfib offre. Fait que, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire dans leur nouvelle interface. Là. C'est du déjà vu. Là. C'est comme, moi, en tout cas, puis en plus que ça commence le 4 avril et ça commence à Québec. Moi, ça me fait rire parce qu'ils essayent, tu sais, là, ils nous ont vendu, ils parlent de Illico Mobile, tu sais. Mais ça marche sur aucun produit iOS. Non, ça, j'ai demandé. J'ai tweeté à Vidéotron à la journée de la conférence. Ils m'ont jamais répondu. Ils ont répondu à toutes mes autres tweets, mais ils n'ont pas répondu à ma question si vous allez développer sur iOS, parce que vous nous vendez votre Illico Web Télé sur Android, mais développer une application sur iOS en même temps. Oui, c'est ça. OK, parce qu'on n'est pas tous Android. Là. On est client chez vous, mais développer pour les deux en même temps, là, on sait que vous ne l'aurez jamais, l'iPhone, là, à moins que l'iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10 là, change d'antenne et que ça va être sa nouvelle. Mais ça, là, c'est de penser tout croche parce que, je veux dire, ils ont des produits à vendre. Ils ont des stations de télévision. Ils ont des services, je le comprends, avec Vidéotron à vendre. Mais Vidéotron, c'est une entité, puis TVA, c'est une autre entité. Puis le but de TVA ou le but d'une station de télé, en fait, c'est de se retrouver sur le plus de médias possible, d'être diffusé le plus possible pour vendre leur pub le plus possible, d'être vu par le plus de gens. Fait que se couper, puis là, on l'a vu, là, il y a des statistiques qui sont sorties. Là. Il y a un foyer sur deux aux États-Unis qui a un produit iOS. J'imagine que ça doit tourner autour de la même chose, grosso modo. Donc, ça veut dire qu'ils se coupent déjà à la base 50 % des gens. C'est s'aliéner ces gens-là. Puis ça, c'est sans compter les autres qui ne sont pas nécessairement sur leur réseau. T'sais. Est-ce que c'est un téléphone Rogers, mais Android, tu vas pouvoir avoir l'application Illico Mobile? Non. Bon, ben, fait que c'est... Non, parce que ça vient avec leur interface à eux autres. OK. L'application vient avec l'interface Vidéotron. Moi, ce que je trouvais drôle, là, c'est l'espèce de vidéo corporatif qu'ils ont faite avec toutes les espèces de... Tu sais, il n'y a pas un designer, il n'y a pas un gars qui a réfléchi à la patente là-dedans. C'est tous des marketeurs, tu sais. Puis ils sont tous excités de parler de la télé HD qu'ils ont depuis 5 ans, qui est super compressée, de parler d'un outil de recherche à ce qui est temps. Puis de parler... Attends un peu. L'outil de recherche, tu l'as déjà dans le Illico 1. Il faut juste que tu ailles le chercher. Il est au poste 905. Tu feras 905. C'est le même engin recherche, mais sauf qu'il n'est pas actif. Mais il faut que tu le trouves dans ton récepteur. OK. Mais c'est le même qui va être dans le Illico 2. Mais sauf, comme tu dis, c'est comme... ils se mettent les pieds dans un plat parce qu'ils perdent du monde. Si vous ne développez pas sur la plus grosse plateforme... Si je me trompe pas, le CRTC leur a bien dit, vous ne pouvez pas empêcher vos canaux spécialisés ou vos canaux d'être sur les réseaux des autres. Tu ne peux pas avoir TVA Sport. Ils l'ont interdit. Tu ne peux pas avoir TVA Sport juste sur Illico. si tu as une station de télévision, tu es obligé parce que ça va donner le bordel pour, tu sais, nous autres, on en mange de ça, tu sais, on est là à lire les sites web à longueur de journée. Mm. Et le monde, tu sais, juste leur expliquer, tu sais, les forfaits cellulaires, c'est ridicule. Puis de toute façon, tu arrives toujours avec un, je sais pas, un monsieur du charme qui arrive puis dit « Hey, moi, ils m'ont tout donné pour comme 12,50$ par mois, là, 28,50$. J'ai 6 gigs, 200 minutes, appel entrant, sortant illimité tout le temps. » Puis tu le quittes. Fac, oui, 28,50$. Merci de nous le rappeler. Mon forfait est comme à 95$. Hey, tu couperas ça, Vincent. Tu peux bien aller chier, toi. J'ai dit ça? Excusez. Ben, tu sais, là, 28,50$. Je me suis trouvé une stratégie d'ailleurs pour couper maintenant. Au lieu de rajouter un son, je trouve ça beaucoup plus long. Fait que je vais juste couper à partie. Fait qu'il y a un petit silence, une demi-seconde de silence, puis ça va bien. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Puis pendant qu'on parle, il prend des notes sur le timer, tu sais. Hein? Là, faut que je coupe. Oui, parce que faut dire un retour à la semaine passée. Après le podcast de jeudi, on avait accumulé à peu près 5 épisodes de retard. En fait, j'avais accumulé, je dis « on », mais c'est « je ». Puis dans la même journée, j'ai fait les cinq épisodes de post-prod, donc c'était assez... Ça, Vincent, ce serait mon coup d'ose de la semaine d'abord. Ouais, parce que on te remercie beaucoup. Ça a rentré cette semaine en tabarnouche sur iTunes, m'a dit. Ouais, de 10h le matin à 10h le soir, j'ai juste fait ça. Mais ça valut le coup. En tout cas, pour finir mon histoire courte, je vais te dire franchement, je suis pas ben impressionné avec leur nouvelle plateforme. Là. Ben, ce qui est plate, c'est que d'après ce que tu sembles dire, je l'ai pas vraiment vu, mais d'après ce que tu sembles dire, ils sont pas de compétition avec Bell. Mais pas en tout, là. Dans un premier temps. Mais le pire, c'est qu'on n'est même pas de compétition avec. Ben, c'est pas grave, là, en même temps. Là, on le sait qu'on se fait laver complètement. Mais si tu regardes ce qu'ils offrent en Europe, le Freebox, où je me souviens plus, il y a un produit qu'ils ont sorti comme il y a une couple de mois. Écoute, là-dedans, tu avais de la vidéo sur demande, tu avais un disque dur de 1 Tera pour enregistrer, tu avais un lecteur Blu-ray, tu avais une console de jeux vidéo, puis là, ils te la donnent, tu sais, puis tu t'abonnes pour le temps que tu peux. Ils n'ont pas le droit d'avoir des contrats là-bas. Écoute, là, tu sais, ils te le donnaient, là, tu sais, puis tu avais pour 40$ par mois, tu avais de l'Internet à une vitesse de fou, du câble, puis du téléphone, puis tu le quittes. C'est complètement ridicule, là, tu sais, d'être pogné là-dedans. Puis c'est comme s'ils se parlent, puis ils font comme, hey, tu me laisses-tu gagner sur la TV, je vais te laisser prendre des parts de marché sur le téléphone, puis tout ça, puis sois pas bon pour telle affaire. En tout cas, écoutez, Vidéotron, là, s'il y a quelqu'un là, qui nous écoute, là, vous avez raté votre coup. Complètement. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est que ce que je me rends compte, c'est que il n'y a pas de geek dans ces compagnies-là. C'est comme si... Non, c'est tous des marketeurs. Ils font pas de focus group. Ils viennent pas chercher... Tu sais, comment ça s'appelle? Desjardins, il y a un an et demi, nous avait appelé, là, moi puis une couple d'autres gars, pour qu'on aille voir Frédéric Harper, entre autres, pour qu'on aille voir leur application puis qu'on leur donne notre feedback. Puis l'application, on l'a ramassée, là, solide. Là. Il était supposé travailler sur une nouvelle puis on l'a pas vu, mais il faisait de quoi, tu sais? Puis on dirait que il n'y a pas de geeks qui leur disent « Hey, écoutez, ça, là, ça ne marchera pas, puis ça, c'est pourri, puis ça, garde, ailleurs, ils font telle affaire. » Fait que sois donc en avant de tout le monde au lieu d'essayer de leur offrir le plus petit dénominateur commun de pas bon. C'est comme dans leur conférence de presse, ils disent on a sondé les utilisateurs. Je m'excuse, mais si tu suis sur Twitter, tu parles aux geeks sur Twitter, parle pas de madame de 80 ans, là. La madame de 80. C'est parce qu'ils ne savent pas, là. L'annonce, ils l'ont faite, puis elle était super drôle, la petite madame, là, qui va lui demander comme plein d'affaires, puis finalement, elle ne veut pas. Mais, tu sais, le choix de ne pas vouloir quelque chose, là, à un moment donné, là. Bref. Bon, ben, c'était ça, Mathias. Ton coup de 12. Mon coup de 12, c'était ça. Et ben en fait, on va simplement vous rappeler cette semaine, c'est une semaine seulement des amateurs de Mac Bonsoir, mais la semaine prochaine, vous pouvez venir nous rejoindre à 22h pour les amateurs. En fait, à 22h15 pour les amateurs de Mac, bonsoir. Mais à partir de 21h, on fait le podcast Mac Québec. N'oubliez pas de venir nous rejoindre. Il n'y aura pas de... En fait, jeudi... Oui, il va y avoir, le podcast Mac Québec. Ouais. L'autre annonce que je voulais faire, moi, la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi pendant la journée, je serai à Québec. Avec l'ami Pascal Audet, ou Audet Pascal, si vous voulez le suivre sur Twitter, où en fait, son nom de code, c'est le stagiaire. Le stagiaire. Le stagiaire. Puis, et non pas la... Ouais, laisse faire. Non, c'est correct. Reste, comme j'ai écrit sur Twitter cette semaine. Donc, on s'en va au salon de l'Aquops, qui est un salon, en fait, qui regroupe tous les acteurs qui développent des produits technologiques pour le milieu de l'éducation. Donc, ceux qui font des tableaux blancs, ceux qui développent des applications ludo-éducatives pour le iPad. Entre autres, je retrouverai là-bas mon amie Geneviève Lajeunesse, qui est là pour... elle va me battre, là, mais elle a un jeu. Je vous reviendrai avec le nom, là, mais elle a une plateforme sur Internet ludo-éducative pour apprendre la science pour les enfants qui est vraiment excellente. Donc, je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Excuse-moi de te couper, Alexis, mais c'est-tu juste moi ou j'entends du grichage? J'entends couper. J'entends rien, moi. Non, ça a coupé pour moi tout à l'heure, mais ça semble bon. De toute façon, on enregistre à partir de Skype. Donc, je serai à ce salon-là et on y va grâce à la compagnie Calista. Ça s'écrit Kallysta, qui nous a invités. Et eux, ils font des produits que notre ami Gary... on l'a dans les questions cette semaine, si je ne me trompe pas, où il était là tout à l'heure. Mais il y a Gary Kenny qui vient nous poser des questions assez souvent. Et du Nouveau-Brunswick, et lui qui cherchait justement une patente pour charger et synchroniser 16, ou en fait un paquet de iPod en même temps, parce que lui, il en a comme 250. Ça, c'est le fun pour le gars d'IT d'une école. Fait qu'eux autres, ils ont des barres de surtension. Est-ce que tu peux en plugger 16 à la fois? Donc, c'est assez intéressant. Ils vont me faire une démonstration. C'est comme si on allait au 3, tu sais, mais des affaires. Puis là, je vais poser des questions sur les tableaux blancs. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi dans 5 ans, ça va être tout croche puis que ça va être déjà dépassé et tout ça? On avait une question il y a quelques secondes que j'avais glissée. Il y a quelqu'un qui l'a enlevé. C'était à propos du Apple TV. Oui. Qu'est-ce que ça disait? Ben, ça disait que est-ce que ça vaut la peine de laisser la version qui est là présentement ou de passer à la version iOS 5? Parce que on sait que. Puisqu'avec ATV Flash, là, il voulait savoir est-ce que c'était mieux avec la version iOS 5 ou ATV Flash. Bon, il a tout dit que c'était Barnac qui nous posait cette question-là. Fait qu'on a tout dit que c'était mieux encore avec ATV Flash parce que vu que la version iOS 5 n'est pas encore jailbreakable. Oui, elle l'est. Ben, pas avec la nouvelle, là. Pas avec le Apple TV 3, mais avec le Apple TV 2, c'était sur iOS 5, oui. Pas de problème. Mais c'est ça. Je pense que c'était l'Apple TV 3. OK. Ça devrait pas tarder, je pense, par exemple, pour le jailbreak. Là, les gars sont assez sauvages là-dessus. Puis la faille qui leur permettrait de rentrer pour 5.01 du côté des téléphones, du moins, elle existe encore. Fait que d'après moi, ils vont être capables de faire... quelque chose pour ça. Mais en tout cas, selon moi, on a trouvé cette semaine, on a vu, il y a quelqu'un qui nous a confirmé que c'était depuis le lancement, mais les séries télé sont en 1080p sur l'iTunes Store, malgré ce qu'on a dit. Donc, on s'excuse. On a dit sur toutes les tribunes, en fait, qu'il n'y avait pas de contenu 1080p, mais il y en a en séries télé. Il n'y en a pas en film, par exemple, encore. Donc, puis le Netflix qui n'est pas encore en 1080. Fait qu'acheter pour l'instant le nouveau Apple TV ne sert pas à grand-chose. Non, une chance que je ne l'ai pas acheté au lancement. Oui, ben voilà, une chance qu'il ne l'avait pas eu finalement. Ouais. C'est comme un signe du destin. Un signal, oui. Ou c'est comme dans la nouvelle série de comment il s'appelle, Kiefer Sutherland. Il y a comme un dessin ça, puis il y a un petit autiste qui sait exactement quand est-ce que tu vas l'acheter. C'est super bon, cette série-là. Fait que comme il n'y a pas de contenu 1080, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller avec le produit pour l'instant. Non. Fait qu'on a une autre question de M. Éric Paquin. Avez-vous remarqué une diminution de la durée de la pile sous iOS 5.1 avec un iPhone 4? Je vais répondre. OK. T'as un iPhone 4? Ouais, j'ai un iPhone 4, oui. Okay. Oui, extrêmement. OK. J'avais essayé, parce que j'ai un compte développeur, j'avais essayé les versions bêta 1, 2, 3 avant de la version finale. J'avais moins de troubles avec avec les bêta 1, 2, 3 qu'avec la version finale. Je sais pas ce qu'ils ont fait dedans, mais la batterie descend excessivement vite avec l'iPhone 4. Là, on parle pas du 4S, là, on parle du 4 de base, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette version-là. C'est comme tu fais rien puis tu vois ta batterie descendre automatiquement là. Est-ce que t'as essayé de vider au complet puis de tout ouais. ça? Ouais. Okay. J'ai fait un backup puis j'ai réinstallé. Okay. Je suis parti de from scratch là, comme qu'on dit. Puis c'est la même chose, là, t'sais, j'ai vidé la batterie, puis j'ai recommencé la batterie sans y toucher. Même le téléphone fermé, là, t'sais, okay. Pour qu'elle charge t'sais, vraiment, là, puis ça change. Il y a différents trucs aussi, là. D'abord, en fait, il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour améliorer, sans que ce soit une version de logiciel, mais améliorer la durée de vie de la batterie. J'ai vu comme un tweet cette semaine, là, il y a comme, c'était une vidéo, puis c'était 12 choses qu'on peut faire pour améliorer la batterie. Il y avait entre autres, on l'a déjà dit au podcast, là, mais désactiver les services de localisation. Il y en a 3 désactivés, soit... si vous ne voyagez pas beaucoup, les fuseaux horaires, le iAds en fonction de votre localisation, et puis un autre qui m'échappe, diminuer la luminosité de votre écran. De toute façon, à l'extérieur, on le voit pas très bien. Puis quand on est à l'intérieur, ben, on le voit quand même si la luminosité est descendue. C'est sûr que c'est ça qui va prendre le plus de batterie. Si vous avez un paquet de services de localisation ouverts en même temps aussi, Find My Friend, Benjo, Highlight, ce sont tous des applications qui sont en train de vous garder en permanence. Pis, oui. Pour, au niveau de la luminosité, c'est surtout la fluctuation. Donc, si vous le mettez automatique, ça va prendre beaucoup plus de batterie que si justement vous le laissez stable. Une certaine lumière, oui. C'est pour la puissance de la batterie. Donc, c'est un petit conseil comme ça, là. OK. Donc, ça, c'en est un autre. Il disait évidemment là, de fermer fermer le Bluetooth quand on n'en a pas de besoin, fermer le Wi-Fi quand on n'en a pas de besoin, toutes ces affaires-là. Là. Mais tu sais, en fait, une fois que tu avais fait les 12 conseils, ton téléphone ne servait plus qu'à téléphoner. Non, c'est ça. Il fonctionnait plus. Là, c'est ça. Il ne faisait plus grand-chose. Fait que c'est un peu. Puis. C'est que Apple n'a pas donné non plus, tu sais, quand tu le jailbreak ton téléphone, tu as un paquet d'outils qui te permettent de toggler, de faire un toggle de ces services-là très, très rapidement. Tu as quand même des applications qui te permettraient de scripter des trucs comme ça. Moi, ce que je verrais bien, en fait, c'est essayer de faire des espèces de programmation à la Automator dans une application, puis les pousser sur le téléphone pour y dire « si je suis à telle place », tuk tuk tuk, fais telle affaire, branche-toi sur le Wi-Fi, coupe telle affaire. Et à ce moment-là, ça va vraiment aider, je pense. Mais pour ma part, ça l'a pas aidé. Mais j'ai pas encore fait de. Tu sais, quand tu le vides, il faut que tu le vides 3 fois, il paraît, puis ça l'aide super gros. Mais je suis incapable de faire ça. Tu sais, à la fin de la journée. À 22 heures, là, si on check en ce moment, il me reste 56% de batterie. Donc, il faut que je le mette à charger parce que demain, j'aurai juste plus assez de batterie là, pour mon truc. Fait que, c'est ça. Mais ça dépend vraiment des gens. On va y aller avec une question du document, la première, en fait, qui devait faire partie de l'introduction. Et c'est Lou, 1987, qui nous demande sur Twitter... Il me dit que j'ai un MacBook que j'aimerais changer contre un iMac. Où devrais-je m'adresser? Kijiji est un peu de la marde. Merci. Et en fait, il n'a pas écrit marde, là, mais il a écrit M étoile étoile. Puis je me suis laissé un petit peu d'originalité. Et la réponse, en fait, elle est facile. Si tu veux vendre un produit Apple, il y a une seule place où aller. C'est lesmac.com. qu'on a lancé la semaine passée dans les deux podcasts. Et c'est un nouveau service qui est gratuit qu'on offre à la communauté de Mac Québec. Et vous allez sur lesmac.com. Vous pouvez inscrire vos produits gratuitement. Magasinez pas tout de suite, honnêtement. Et essayez d'en parler autour de vous parce que le site débute. C'est vraiment là, les premières heures. Les produits qui sont là sont pour un certain nombre, en fait. C'est des dummies qui sont là. Donc, prenez vos vieux adaptateurs DVI à VGA pour les Mac, vos vieux power supply. Je me cherche un 85 watts, by the way. Si vous avez des carcasses d'ordinateurs avec des batteries encore fonctionnelles dedans, je me cherche une batterie, by the way. Donc, vous allez les mettre sur lesmac.com et moi, je vais aller magasiner pour pas cher et je vous invite à faire la même chose. Donc, voilà, c'est le nouveau service. Puis, on va probablement faire un lancement un petit peu plus costaud dans les prochaines semaines. Voilà pour la grosse plug cachée en question. Je te laisse aller, GF, avec la prochaine question. Ouais. C'est moi que... C'est Jonathan Lapointe qui m'a parlé sur Twitter. Il y a un problème avec son iTunes quand il rouvre maintenant, il se rouvre plus. Puis même en connectant son iPhone ou son iPad, il s'ouvre carrément plus. T'sais. Fait que il m'a envoyé le fichier que Apple fait quand tu y a un problème avec un logiciel, là, le System Report. Là. Oui. Puis il m'a envoyé tout ça. J'ai regardé ça grosso modo. Il m'a même dit qu'il avait retéléchargé le iTunes et le réinstallé. Mais moi, j'ai trouvé, j'ai dit, essaye de... parce que sur Mac, iTunes, il est imprégné dans le système. Il fonctionne tout le temps, même s'il est fermé. Il y a des services en arrière de ça. Fait que moi, j'ai dit essaye de réinstaller iTunes parce que de désinstaller la version le fichier iTunes avec le mobile service. Puis un autre fichier aussi, je pense à effacer, je me rappelle plus c'est lequel, mais il y a trois, quatre fichiers à mettre à la corbeille. Puis après, tu redémarres ton ordinateur et tu réinstalles iTunes 10.6.1 là, qu'on a eu hier, là, from scratch. Là. Fait qu'il va tout le réinstaller comme s'il était nouveau. Là. Fait que... Okay. Ah, c'est le Apple Mobile Device. Excusez. Fait que, ah oui, OK. C'est ça. Ce qui reconnaît ton iPhone puis ton iPad. Là. Fait que moi, j'avais dit... mais il m'est pas revenu là-dessus. Fait que je sais pas. J'ai réécrit, puis il m'a pas réécrit. Fait que je sais pas. Il est peut-être occupé, là. Fait que s'il a essayé, je vais en reparler, c'est sûr, là. Parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Parce que, c'est iTunes, là. Il est imprimé dans le système. Fait que t'as pas le choix de le réinstaller, là. Fait que j'attends de ces nouvelles. On nous dit qu'il y a des films maintenant en 1080p et Monsieur Lazare, effectivement, est en 1080p sur le iTunes Store. Fait qu'en fait, ça commence à donner un petit peu d'intérêt au Apple TV. Moi, j'attendrais que Netflix soit en 1080p si vous êtes adepte de Netflix. Puis à ce moment-là, ce sera un go dans la mesure où vous n'avez pas déjà le produit. Parce que, bon, si vous avez déjà un Apple TV 2, si vous avez déjà un 2, moi, j'attendrais que le jailbreak sorte pour le 3. À ce moment-là, ça va peut-être valoir la peine. Sinon, continuez à faire jouer vos MKV sur un PS3. Ça va très bien. Oui, c'est ça. Voilà. Vincent, je te laisse la prochaine question. OK, je vais l'aller. J'ai fait un... Ah, okay. C'est Gary Kenny sur... Encore lui? Oui, encore lui. On parlait de lui tantôt. Il dit qu'il a acheté macOS Lyon sur l'App Store puis il voudrait l'installer sur son deuxième ordinateur sans repayer le 30$ de Apple que le système coûte. Puis il voudrait savoir comment on fait pour retélécharger l'application parce que il n'y a pas le bouton genre retélécharger, là, tu sais. Le bouton est barré. OK. Fait qu'il faut juste, quand vous allez sur la page de Lyon dans le Mac App Store, vous appuyez sur le bouton Alt et là, l'option va être disponible. C'est marqué retélécharger. Mais j'ai aussi marqué une petite note. J'ai dit, avec cette application-là, d'aller télécharger Lion Disc Maker. Il faut faire attention dans sa question. Par exemple, il dit que c'est pour installer sur un deuxième ordinateur. Ouais. Donc, si ce deuxième ordinateur-là est avec 10.6.8, il s'en va simplement dans la section achat du Mac App Store, parce qu'il l'a dans 10.6.8, et il retélécharge le bouton. Il n'y aura pas... Le truc que tu viens de donner, c'est dans la mesure où tu étais déjà sur Lyon et que tu voulais le retélécharger. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Voilà. Et quand tu le retélécharges, ben à ce moment-là, là, tu peux aller extraire le install.dmg. C'est install SDM, je pense, mais je ne me souviens plus trop quoi. Ouais, c'est downloadable, je ne sais pas quoi, là, mais... Ouais. Et tu peux à ce moment-là aller extraire ça et en faire l'installation sur une clé USB ou sur un CD, si tu veux, pour le conserver. Donc, simplement aller dans la portion achat du Mac App Store, le petit onglet qui s'appelle achat. Vous allez avoir en fait toutes vos applications qui sont là. Moi, je le fais très souvent. Je me suis installé un petit serveur cette semaine, un petit serveur Mac Mini en bas. Et puis, je le contrôle avec Remote Desktop. J'ai installé Air Server dessus, qui m'a été suggéré par Mac Bionic, un de mes confrères, qui fait un peu la même chose que moi, mais il fait pas à domicile. Il fait les grosses compagnies, les gros serveurs, tout le kit. Et il m'a parlé de Air... Ouais, voilà. Il est plus payé que moi. Et il m'a suggéré Air Server que j'ai installé. Puis en fait, ça transforme ton Mac Mini tout simplement à Apple TV. Fait que tu peux faire AirPlay, n'importe quoi, mais t'as ton ordinateur qui se rajoute dans la liste de tes devices sur lesquels tu peux envoyer faire AirPlay. Donc, c'est très, très cool. Fait que ça enlève un petit peu, là, mon setup commence à enlever un petit peu de pertinence à mon Apple TV, disons. Là. Je serais plus trop sur l'Apple TV. Ouais, c'est sûr. Fait que je pense pas que tu vas t'acheter le troisième. Là. No. Non, c'est ça. Voilà. Il y a eu, bon, une autre question. Là, je peux suivre le fil maintenant. De Claude B. sur Mac Québec Entraide qui nous demande si on peut utiliser l'iPad comme disque dur externe. Comme si on branchait un disque dur externe dans poste de travail sur Windows ou directement sur le Mac. Vous sur avez un Mac. Sorti. Ouais, sur un Mac. Vous avez sorti Phone Disk. Oh ben, c'est une application en fait qui permet d'avoir les entrailles du téléphone, un peu comme Synuti permet de le faire ou d'autres applications permettent de le faire sur les anciens iPod. Là, on voulait les utiliser un peu comme ça aussi. Et à ce moment-là, cette application-là te permet de mettre du contenu et d'aller la chercher. Le problème, c'est que faut toujours que Phone Disk soit installé sur le PC ou le Mac sur lequel tu veux le brancher. Fait que c'est pas comme pour prendre du matériel puis aller le lancer sur l'ordinateur de tes amis. Mais ça permet de faire en fait des belles petites choses. Puis c'est pas trop cher. Puis habituellement, on le retrouve dans des bundles fond de disque. Donc, c'est assez cool. On va contacter la compagnie. Ouais, c'est une bonne idée. OK, bon, ben prochaine question. Ouais, by the way, s'il y a du monde qui en ont des questions, parce que là, il y a quand même des licences à gagner et tout ça. Là, Clean My Mac, puis Printopia. Donc, ouais, voilà. On vous conseille de poser des questions. Ouais, ben si vous avez... tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Tu as écrit un article cette semaine, je pense. Sur Printopia? Sur Printopia, puis oui. Je ne sais pas si tu voulais en faire ta chronique du prochain podcast Mac Québec, mais... Non, ben... Bon, ben, scrappé, parle-nous-en. C'est déjà parti. En fait, oui, Printopia, c'est... comme j'ai dit au début, c'est une espèce de simulateur AirPrint. Donc, ce que ça fait, ça utilise votre Mac. Donc, c'est un logiciel Mac. C'est un daemon. Un daemon? Ouais. C'est un daemon. C'est un petit logiciel qui agit en arrière... ben, en dans arrière les préférences. Scène. Puis qui attend. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, c'est ça, il est en background. Il roule... Je l'ai essayé plusieurs fois sur mon iPad et sur mon iPhone. Dès que tu es connecté sur le même réseau, ça fonctionne étonnamment très bien. Mon Mac était fermé, puis même fermé, il fonctionnait. Donc, j'étais surpris. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il fonctionne. Oui. Donc c'est ça. Vous pouvez configurer une imprimante. Donc, toutes les imprimantes qui sont disponibles sur votre Mac vont être disponibles pour tout votre réseau ou tous les... tous vos appareils iOS. Mm-hmm. Vous pouvez aussi configurer pour l'ajouter un dossier Dropbox. Donc, au lieu d'imprimer, si vous voulez, par exemple, partager plusieurs personnes... Faire un PDF puis l'envoyer dans Dropbox. Okay. Le mettre automatiquement. Ou encore, que j'ai adoré cette fonction-là qui s'appelle Back to Mac, to Mac, qui est en fait, au lieu de l'imprimer, vous le transférez sur votre Mac qui a le logiciel. Puis ça vous envoie le PDF automatiquement. Ça vous met un dossier dans document Printopia de base, mais vous pouvez ensuite le modifier. Puis ça vous ouvre automatiquement dans Aperçu. Puis c'est étonnamment, là, étonnamment très, très vite. Okay. Ça m'a pris... le meilleur que j'ai fait, c'est à peu près 3 secondes. Je l'ai cliqué sur Imprimer, puis je l'ai vu popper dans Aperçu à peu près tout de suite après. Wow. C'est très rapide. Donc, étonnamment très rapide. Je vais me faire porte-parole. Cette semaine, tu as posté ton article et il y a quelqu'un qui t'a demandé qu'est-ce que ça avait de différence avec AirPrint Activator, qui est une application gratuite. C'est un freeware qui demande des donations. J'ai pas fait de la vérification. Je sais qu'il y a moins d'options. Si vous voulez avoir toutes ces options-là, bon, vous pouvez aller avec ce logiciel-là. On en a un gratuit. En fait, j'ai 2 licences. Donc, si j'en laisse juste une cette semaine, imaginez qu'il va en avoir peut-être une autre la semaine prochaine. Là, je dis rien d'autre. Là, mais oui, effectivement, c'est gratuit. Je l'ai pas essayé. Je pourrais pas dire si c'est bon ou c'est mauvais. Il y a des personnes qui dans le chat qui... qui nous disent qu'ils n'ont jamais réussi à le faire fonctionner. Bon, toi. Mais ce logiciel-là, de base, fonctionne très bien. Vous pouvez aussi ajouter même des mots de passe. Dropbox, si vous voulez le bloquer, ou votre Mac aussi, puis juste laisser l'imprimante. Ou une imprimante couleur, pour pas que les enfants impriment sur ça. Vous pourriez rajouter un mot de passe aussi, très facile. Oui, ça a bien, très bien été, le test. Excellent. Puis, en fait, 2 choses. Moi, je suis allé regarder un petit peu le AirPrint Activator et j'ai essayé aucune des 2 applications. Par contre, j'ai déjà installé Printopia chez des clients. Ça fonctionne encore. Donc, j'imagine que le logiciel va bien. La chose avec AirPrint Activator que j'ai vu, c'est que c'était un logiciel et non pas un service qui était dans les préférences système. Ce qui fait que tu vas peut-être avoir tendance à oublier de démarrer le logiciel. C'est sûr que tu peux aller le mettre dans les logiciels qui s'ouvrent au démarrage de l'ordinateur, mais ça ralentit un peu. Tandis que moi, j'aime bien le fait que Printopia soit en préférences système. Puis les petits ajouts là, avec le Dropbox puis le fait d'envoyer à son ordinateur, ça semble très intéressant. On parle de Dropbox, mais moi, j'avais un compte, donc automatiquement, il l'a reconnu. Vous pourriez aussi ajouter une application. Par exemple, Evernote, vous prenez une photo puis vous l'envoyez à Evernote. Vous pouvez configurer très facilement aussi de rajouter l'application dedans puis l'ouvrir. Dans le fond, au lieu de l'envoyer à l'imprimante, de l'envoyer à Evernote, il va l'ouvrir automatiquement puis vous allez pouvoir partir dans l'application. Rapidement, là, avant qu'on réponde à la question de Patrick Ducharme. Non, il ne répondra pas à la question de Patrick Ducharme. Check ce qu'il nous demande. Non, on répondra pas à ça. Ouais, je l'avais pas lu. Fait que en fait, que je disais, oui, c'est ça. Il y a un élément qui est un peu plate de ça, c'est que il faut avoir le Mac. Il faut avoir le Mac, malheureusement. Donc, c'est sûr que si vous laissez, si ma mère utilise l'iPad à la maison, elle peut pas faire imprimer avec l'iPad. C'est comme ça, malheureusement. Donc, il faut passer par le logiciel. Mais si vous avez pas d'imprimante AirPrint, ça fait très bien le job. Excellent. Monsieur Ducharme, peut-être que... je vais donner un petit indice, là. Non, faut pas donner d'indice, là. C'est en Amérique du Nord. Ouais, c'est ça, là. En tout cas... Fait que si tu les fais toutes, moi, je te suggérerais de checker les tuiles par terre. Ouais. Voilà. Voilà, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va continuer avec... Oui, oh, ben, je vais la poser, vous répondrez. C'est Gary Kenny encore sur notre ami du Nouveau-Brunswick, sur Mac Québec Entraide, qui vient... je pense que c'est la suite de son premier message. Je viens d'installer Lyon sur mon deuxième ordinateur. L'installation s'est bien déroulée. Présentement, je vois l'arrière-plan iOS, là, le tissu gris. Là. Linen, ça s'appelle. Linen, ah, merci. Ouais. Je vais me coucher plus intelligent ce soir. Et il voit la pomme aussi, puis rien ne bouge depuis une heure. Il dit, qu'est-ce que je fais? Sur Mac Québec Entraide, quand il a posé la question, ce qui lui a été suggéré, c'est de popper les CD de restauration. Ce serait les CD de restauration de 10.6, parce qu'évidemment, il n'y a pas de CD de restauration de 10.7, à moins qu'il se soit créé une clé USB. Moi, ce que je suggérais à M. Kenny, c'est de redémarrer l'ordinateur et de tenir la touche Alt enfoncée. D'essayer de mettre la main sur ces CD de restauration, évidemment, là, parce qu'il faut toujours les avoir en main. Je ne veux pas redire idéalement, mais je vais leur dire. Donc, il démarre son ordinateur en tenant la touche Alt enfoncée. Si l'ordinateur, en fait, la touche Alt, ce que ça va faire, c'est que ça va arrêter la machine et ça va lui proposer les médias qui sont bootables dans l'ordinateur. C'est-à-dire que s'il y a un disque dur externe en FireWire avec un système d'exploitation dessus, il va pouvoir booter dessus. S'il y a le Recovery HD de Lyon qui s'est bien installé puis qu'il n'y a pas eu de problème, il va être là-dessus aussi. Tout ce qui est bootable va apparaître là. S'il n'y a rien qui apparaît ou que ça ne se rend pas à cette image-là, à ce truc-là, à ce moment-là, c'est probablement un problème de disque dur parce que l'installation d'un système d'exploitation fait tourner beaucoup, beaucoup le disque dur. C'est un stress qui est supplémentaire. C'est un stress que le disque n'a pas eu nécessairement depuis un certain temps. Puis j'ai vu beaucoup, beaucoup de disques durs, pas que la... T'sais, les gens, en fait, s'imaginent toujours que parce qu'ils ont fait une mise à jour, ça a brisé leur disque dur. C'est pas ça. C'est que leur disque dur allait briser, puis la mise à jour a juste fait le stress qui a fait que le disque dur a lâché. Oui, parce qu'il y a tellement de fichiers à décompresser quand tu installes une Lyon ou une mise à jour, whatever, fait que c'est normal. Là. Voilà. Donc, à ce moment-là, en faisant Alt, il va voir les systèmes qui sont bootables ou pas, puis il va avoir rebooté sa machine. S'il voit que son disque dur est là, s'il voit que le Recovery HD est là, ben à ce moment-là, peut-être simplement aller dans le Recovery HD, aller dans Utilitaire Disque, faire une petite réparation du disque ou vérification du disque, réparation des permissions, et si tout s'est bien passé à ce moment-là, il reboot, puis l'ordinateur devrait booter. Ça se peut qu'à la fin de l'installation, il y a eu un petit hoquet, puis qu'il soit resté comme jammé, mais que l'installation s'est bien produite puis qu'il n'y a pas eu de problème. À ce moment-là, mais c'est comme la dernière chose qu'il devrait faire. Il boot, il check ses affaires. Et si, par exemple, il y a le Recovery HD et pas là, peut-être qu'il peut mettre le CD de restauration à ce moment-là. Puis là, c'est à peu près sûr que ça va booter sur le CD. Sinon, le problème est peut-être un petit peu plus loin là, à ce moment-là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. C'est vraiment ça qu'il y a à faire, moi aussi, je trouve. Là. Fait que c'est sûr que c'est comme tu disais, ça fait vraiment un gros stress sur un disque dur. Fait que si le disque dur est vieux, ça se peut qu'elle ait peut-être lâché. Là. Fait que, mais ça me surprendrait, même s'il a lâché, s'il voit sa partition au démarrage en tenant la touche Alt, ou même s'il a juste à faire commande R aussi, si Lyon s'est bien installé, il va automatiquement booter sur le Recovery HD, là, la partition de restauration. Fait que, il devrait être capable de booter à partir de ça. Là. Sinon, ou c'est peut-être son boot qui a mal fonctionné. Fait que j'ai pas d'autre chose à rajouter. Non. Pour terminer sur ce qu'on a parlé juste un peu avant à propos de Printopia, à propos de Activator, tout ça, il y a M. Ducharme aussi qui nous avait proposé un produit qui est relativement dispendieux, mais si, par exemple, on a une vieille imprimante, Comme c'est mon cas, là, j'ai une espèce de gros mastodonte d'imprimante qui valait 1200 pièces à l'achat puis que j'ai acheté dans une revente quand ils se débarrassent de leur matériel informatique. Pas une imprimante matricielle? Non, c'est une imprimante, HP. C'est une 2300 CDN. Elle est réseau duplex network. Je l'ai déjà dit. Elle a deux tiroirs. Je pense que c'est pour ça, le caddie. En tout cas. Ouais, mais rapidement, il y a une liste de d'imprimantes qui sont compatibles. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, M. Duchamp nous a proposé un produit qui est fait par la compagnie Lantronix, qui s'appelle le X-Print Server. C'est autour de 150$, ce qui est le prix d'une imprimante neuve. Mais comme je disais, quand on a une imprimante, qu'on a payé un certain prix, par exemple, une imprimante grand format ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on peut acheter un appareil comme ça et la rendre AirPrint compatible pour tous les gens. Par exemple, si on a une place là, qui sont toutes en iPad ou qu'on veut équiper les gens d'une flotte, puis que bon, on se dit j'en ai déjà des imprimantes, sont toutes pluguées sur le même routeur ou je sais pas quoi, ben à ce moment-là, on peut utiliser ça. Elle est pas petite, l'imprimante? La 2300 CDN, non, effectivement. Ouais. Mais avant, j'avais une Canon couleur. Ouais. Elle prenait à peu près le même air sur le bureau. Mm-hmm. C'est vraiment que c'est plus haut. T'sais, c'est un gros cube, mais c'est pas si pire que ça. Là. C'est dans le coin, puis c'est rien du tout. Là. Mm. Moi, vous poser une question. Ouais. Imprimez-vous souvent? Ben non. Ma blonde imprime souvent, genre en noir et blanc. Tu sais, mettons, je sais pas, là, elle trouve des recettes sur Internet, on les imprime. On essaie de les garder, tout ça. Parce que la plupart des applications de recettes, à moins que vous en ayez à me suggérer, là, mais des applications de recettes, soit qu'elles vont être françaises, soit qu'elles vont être américaines. Puis à ce moment-là, pour toutes les affaires de liste d'épicerie, t'es tout obligé de rentrer à la main, puis c'est un peu plate. Là. Ouais, ils sont pas compatibles ici. Fait que voilà pour Mirego, pour une autre compagnie de développement d'applications, ou pour Vincent qui veut faire la pièce, posséder le monde et pouvoir aller à San Francisco. Ah oh, mon Dieu! Monde est plus haut. Les recettes à Vincent Miller. Voilà. <Ouais. rire> les bonnes recettes de Chef Miller. il va sacrer une canette de bière dans à peu près n'importe quoi. Là, bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Ouais, c'est ah ça, oui, tu l'as bien, Ricardo. Le bravo. Le chef Louis, c'est le chef Louis, c'est pas le gros. Ah oui, c'est vrai. Mm. Pas de la craigne. Ouais, c'est ça. on n'a pas de questions. Excusez-moi, mon imitation de chef Louis par Joël Legendre me fait bien rire. Oui, salut mes gourmandes. Oui, exactement, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent les grandes gueules. Là. C'est tout le temps drôle. Ils le font? Je savais pas qu'ils le faisaient. Ah ouais, c'est effrayant. Ouais. C'est super drôle. Là. Va voir sur le site, là, c'est pissant quand ils le font. Là. C'est trop drôle. Là. Parenthèse, je vais vous parler de quelque chose. C'est une idée que j'ai eue, puis ça risque de se réaliser. Fait que. On l'apprend maintenant. Ouais. Même si, tu sais, je suis de même, moi, mes projets qui fonctionnent pas, je les dis pareil. Attends, dis-moi pas que t'as écrit le texte pour ton site. Non. c'est dans la même filière, en fait, que le cover du Apple TV jailbreaké qu'on fait pour le podcast. C'est super chier, là. Le gars, il a fait mon site, pour vrai. C'est toi qui... Ça apparaîtra pas sur ton site encore, là. D'ailleurs, by the way, j'ai eu des très bonnes critiques de ton site que j'ai montré à du monde cette semaine. Ouais. Ils trouvaient ça très beau, très pro. Fait que si jamais vous voulez aller voir quelque chose d'intéressant en termes de site web, vincentmiller.com. Parenthèse, je commence à vraiment aimer les sites tellement simples. En fait, c'est vraiment juste une page, puis vous avez des onglets en haut, mais... Dès que vous les cliquez, ça vous donne un espèce d'ascenseur vers le texte spécifique. Il y a beaucoup de services comme ça qui existent déjà. Flavor, about.me, des petits sites comme ça là, qui permettent rapidement de faire une espèce de carte d'affaires de soi. C'est assez intéressant. Voilà. Puis si on paye sur ces services-là, on peut y rajouter un blog puis tout le kit. Là, fait que... Bon, c'est quoi ta nouvelle, là? Ben, écoute, depuis un mois et demi, deux mois au moins, il y a le preview des Avengers qui roule. Et, Oh non. Ouais. Pas ton film, là, s'il te plaît. Non, mais attends une minute. Non, la première idée, voilà. Donc, il y a le preview des Avengers. Ça a l'air de vraiment torcher. Ça a l'air excellent. Et moi, ce que j'aime bien d'aller voir un film, c'est d'être dans une salle, pas avec du monde frisé, super grand, puis des morveux qui font juste gueuler. J'aime ça être dans une salle avec, tu sais, les représentations qui font, mettons, minuit le soir. Habituellement, c'est du monde qui sont vraiment crinqués, tu sais. Je me souviens, moi, j'étais allé voir Mortal Kombat il y a très longtemps, à minuit le soir, comme ça. Puis la salle était folle alliée. C'était malade. Le monde sont dedans. Ouais. Ils veulent. Et je veux recréer un peu ça. Et, bon, on le sait, les Avengers, c'est un groupe de super-héros qui se sont reliés ensemble, qui se sont mis ensemble. Donc, je vais pas nommer de nom aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas en nommer parce que j'ai pas eu... En fait, j'ai eu quelqu'un qui officiellement va embarquer avec nous autres. Mais ce qu'on veut faire, c'est que certains podcasts vont se mettre ensemble, vont inviter leurs auditeurs à venir triper avec nous. On va trouver une date, probablement la journée de la lancée. On va vous demander de payer à l'avance les billets. Et nous autres, on va aller acheter une bunch de billets pour aller voir ça vraiment tout ensemble. Un Kickstarter? Non, pas déguisé. Puis non, je ne serai pas en Hulk, je vais être en Thor. J'essaie de me trouver un hoodies de Thor depuis je ne sais pas combien de temps. Non, mais tu as la shape de Thor, par exemple. Tu ressembles. Non, j'ai le haut de la face de la même couleur au niveau du poil que Thor. Oui, merci pour ça. J'ai déjà pitché un de mes chums une web télé que je voulais faire qui s'appellerait Gros Thor. Et en fait, Gros Thor, c'est Thor qui est tombé sur Terre. Puis au lieu de devenir comme super gentil, puis tout le kit parce qu'il est tombé sur Natalie Portman, ben c'est Thor qui est devenu un gros bâtard, puis qui habite dans Hochelaga Maisonneuve, puis qui parle tout croche, puis qui rote, puis qui sauve des canettes de bière avec son marteau. Tu sais, il utilise tout un pire pour. Au point de calumet. Ouais, genre. Tu sais, mais pas dans le upper point de calumet où est-ce que moi je suis, là, dans le. Le Bed Light Point Calumet, là, tu sais, les vieux chalets, là, tu sais, datant des vieilles années. Bref, donc, on va solidifier ça, on va consolider ça, puis on va vous dire exactement où aller payer, comment, tout le kit. Vous allez mettre ça direct dans mon compte de banque. Très mauvaise idée. Mais... On va vous inviter, en fait, à acheter des billets d'avance avec nous, de venir à une soirée qu'on va organiser. Et je suis deux fois tard. Oui, voilà. Merci, M. Ducharme. Vous viendrez au film, on s'en rejasera. Donc, on va inviter les gens. Et il y a d'autres podcasts qui vont inviter des gens aussi. Fait qu'on va se retrouver une grosse gang de geeks. Et le but ultime de ça, c'est de le faire pour une bonne cause. Donc, on veut le faire pour le Geek Fest. Okay? Il y a le Geek Fest qui revient l'année prochaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'on va mettre les prix des billets un petit peu plus chers et la différence en argent qu'on aura eu sera remis à la bonne cause des Geek Fest, qui est un événement à but lucratif, je pense, mais qui n'en font pas de l'argent. Fait que on va les aider à ne pas être dans le trou parce qu'on veut que ça revienne. L'année prochaine. Voilà. Fait qu'ils vont venir. Ils n'ont pas annoncé encore de date officielle pour le Geek Fest, mais c'est un peu une façon de redonner à la communauté geek. Ouais. Je dis ça, mais tu sais, on donne des applications, on donne des gros cossins en concours. On n'a même pas de bouton de donation encore. Bref, on fait juste donner, nous autres. Ouais, on reçoit rien, on donne, nous autres. Ouais, nous autres, on donne, c'est bien mieux. Fait que voilà, c'est ma petite parenthèse. C'est parce que, en fait, je vous aime tous et que je veux écouter The Avengers avec une gang de survoltés malades dans la tête, geek, toute l'équipe. Voilà. Je vous laisse aller pour la prochaine question. Oui, c'est... Wire. Oui, c'est ça. Fait que Wire nous demande... qui est, nous donne la réponse. Non, nous donne la réponse. Attendez un peu, là. Non, c'est ça. Question. Wire. Oui, okay. Sur le forum de MacQuébec, ouais. Demande, j'ai un problème avec Lyon et des partages de CIFS et de SMB d'un serveur Windows. La connexion se fait bien, mais l'affichage de gros répertoires, disons 50 items, peut prendre plus de minutes à afficher. Les mêmes problèmes sur tous les Mac et Snow Leopard. Sous Snow Leopard, il y avait une batterie de solutions disponibles, plus ou moins efficaces, mais sous Lyon, je n'ai rien trouvé. Quelqu'un pourrait m'aider. En fait, c'est aidé tout seul parce qu'il a pu redire la réponse, qui est très cool. En fait, c'est que plutôt que de monter en CIFS ou en SMB, qui sont des protocoles network pour parler à un disque externe ou un serveur. Mais en fait, il a mounté en NFS, qui est le Network File System, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et depuis, ça va beaucoup mieux. En fait, moi, ce que je pense, c'est que SMB CIFS, ou en tout cas pour SMB, le support n'est pas là au complet dans Lyon, si je ne me trompe pas. Il l'avait même tassé. Puis c'était un peu shady, là, une couple de mois avant. Je pense qu'il avait juste gardé SMB, je pense. Ça se passe. Je pense que oui. Faudrait vérifier, mais bref, de toute façon, c'est beaucoup mieux en AFP et en NFS, ça semble bien fonctionner pour lui. OK. Voilà. Vincent, prochaine question? Tu veux-tu vraiment que je réponds à cette question-là? C'est pas vraiment Mac. Ouais, je vais répondre. En fait, oui, c'est quand même Mac parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a sur Twitter, il y a l'ami Laurent Maisonnave, qui est l'ancien animateur du podcast ici, qui a posté un lien vers une cinquantaine de collants. C'est des collants, en fait, qui sont spécifiquement faits pour les MacBooks. Donc, il y a la pomme qui allume en arrière d'un MacBook, évidemment. Et ces collants-là, en fait, c'est différents thèmes qui utilisent la pomme à différents escients. Moi, j'ai eu longtemps un Iron Man qui avait sa main comme ça, avec le beam dedans, mais le beam, c'était allumé, puis c'était la pomme. Au lieu d'être un rond, c'était la pomme. Il y a aussi Blanche-Neige, qui tient la pomme dans ses mains puis qui arrive pour en prendre une bouchée, qui est originale. Pas vraiment mon style, mais originale. Puis il y en a un paquet d'autres comme ça. Ils ont fait... Il y a un Mario Bros qui est en Iron Man puis que lui aussi utilise la pomme. Il y en a un paquet qui sont vraiment drôles. Donc, vous pouvez peut-être aller voir dans les anciens tweets de Laurent Maisonnave. Je pense que c'est The Laurent sur Twitter. Et la question, en fait, vient de Carl Pelletier qui lui posait où est-ce qu'il peut acheter ces autocollants-là? Et la réponse, c'est facile, c'est que ce sont des autocollants qui ne respectent absolument pas les droits de copyright. Ça en fait pas quelque chose de moins cool à cause de ça. Ça en fait en fait quelque chose de plus cool. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais ça fait quand même la publicité pour ces produits-là. Bref, vous pouvez voir sur Etsy.com, E-T-S-Y.com. C'est un espèce de marché des métiers d'art. Tu sais, quand on va au salon des métiers d'art pendant la période des fêtes, là, tu sais, le monde qui construise n'importe quoi avec du bois puis tout ça, ou qui tricote, ou ces affaires de même. Mais il y a comme une twist très, très contemporaine à l'affaire. Tu sais, au lieu que ce soit des vieux chandails en laine avec un renne au nez rouge dessus puis des affaires comme des thèmes dépassés, on peut trouver un paquet de choses intéressantes. Fait que si vous cherchez, par exemple, un foulard de Hogwarts, un foulard des Gryffindor, par exemple, pour avoir l'air à Harry Potter, moi, je sais que j'ai voulu m'en faire un pendant longtemps. Check bien ça, j'en reviens. T'en as un, toi? Je suis jaloux. Bref, vous allez pouvoir trouver ça sur Etsy. Il y a aussi des tucs. C'est super cool. Il faudrait que je m'en achète une. C'est des tucs que tu te mets et tu as la tuque. La tuque est tricotée avec des cornes puis une barbe en laine. Fait que tout le monde peut avoir l'air de moi, d'un viking. Fait que c'est une tuque viking avec la barbe que tu peux trouver. Ils en font même... Ah, chanceux! Mais c'est pas les couleurs officielles. Non, c'est fait au tricot en plus. Ah, ma grand-mère qui me l'a fait. Ah, c'est super gentil. Il est très long, là. T'sais, j'ai magasiné pendant je sais pas combien de temps pour de la laine, puis je me suis dit, un foulard, c'est facile, je vais me mettre à tricoter, fabriquer quelque chose de mes mains. Ça coûte plus cher de laine. Sérieusement, là, juste de matière première, ça coûte plus cher de laine que de l'acheter toute faite du site de Warner Brothers, tout le kit, la version officielle. On est jeudi confession. J'ai tricoté il y a pas très longtemps. En fait, je sais comment tricoter. OK. Ouais. Ça fait. J'étais à quelques années que je n'ai pas tricoté. Mais... D'un autre côté, tu sais aussi ouvrir des portes avec comme un tournevis, une bobépine puis un canif suisse. Non. C'est comme pas grave. En fait, on pourrait dire que tu es allé en prison puis que pour ta réhabilitation, ils t'ont appris à tricoter, mais que tu as aussi appris à lock-piquer. Tu sais, Hey. Je suppose qu'on l'a trouvé, Vincent. Mais gros il y a comme... sensor, Vincent. Il y a comme... il y a comme toutes les skills que tu apprends en prison. Tu sais. Voilà. C'est ça, tu tricotais. Qu'est-ce que tu t'es fait? Des foulards. Oui, majoritairement, oui. Oui, ouais, je me fais des foulards. J'ai une pile de foulards. Je vais aller en chercher un, si vous voulez. Là. Non, ça va aller. Bref, vous allez sur Etsy et vous tapez MacBook. Vous pouvez, y en a même des collants qui ont été faits dernièrement pour les iPads, tout ça. Et vous allez trouver, il y en a un paquet là-dessus. Là, tous ceux qui sont dans la liste que Laurent a présenté sont là. Ouais, j'ai une demande spéciale. OK. Je prendrais une paire de pantoufles en Fentex, s'il vous plaît. C'est con. Je tricote même plus, là. J'ai pris ma retraite. Écoute, si on fait comme l'analyse des geeks, là, qu'on prend comme une phrase qui est sortie de son contexte, shady, je pense que l'épisode d'aujourd'hui pourrait s'appeler « Je tricote même plus », tu sais. Comme... Ah, t'es réhabilité, t'es geek maintenant, c'est comme... C'est cool, tu sais, d'avoir laissé. Ouais, ouais. Ah, mais tu pourrais... ça serait écœurant. Des pantoufles en Fentex avec le logo Apple dessus. On vend ça sur Mac Québec. Deux semaines, les avocats nous appellent, on est fermé. Malade. Ben écoute, sur un foulard, je te dirais que ça va ressembler à une pomme, mais ça ne sera pas vraiment tout le tour d'une pomme. Fait que je pense pas qu'on se ferait poursuivre pour ça, là, mais bon. Pourquoi tu disais-tu que tu en as fait un avec une pomme dedans ou tu disais que non, non, mais je veux dire, ce sera pas. Okay. Quand tu fais un foulard, là, c'est pas parfait non plus. Tu sais, il va y avoir des. Le tissu passe, la laine va fera pas le contour de la... Pourquoi... Hey, on est dans un show d'Apple, pourquoi on parle de... Parce qu'on parle de Etsy. Oui. Voilà. Merci Barnac, d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, Etsy, c'est des heures de plaisir à magasiner. Puis si ça vous écœure d'acheter du métier d'art, ben allez sur Kickstarter après. Il y a des super beaux projets, dont Node. C'est ça que je vous ai montré tout à l'heure, Node. Oui. C'est un espèce de device qui vend 250$ dans lequel il y a un accéléromètre, un magnétomètre et un gyroscope. C'est ça, à la base, mais il y a d'autres modules qui peuvent se greffer dessus. Et pour ceux qui suivent Star Trek, je pense qu'on est tous des Trekkies. Comme moi, je tripe pas mal Star Trek, Vincent aussi. Ouais, ouais. Ça ressemble exactement au module que les équipes médicales dans Star Trek utilisent pour aller scanner les signes vitaux et tout ça. Puis en plus, il y a un truc qui prend la température par infrarouge, tu sais. Fait que c'est super bon. C'est comme, bon, c'est sûr que vendre à votre femme le fait d'acheter un thermomètre à 250$ pour checker la température des enfants, ça risque d'être limite, là. Mais, tu sais, t'as ça, tu pognes ton iPhone, tu pointes ton kid, puis là, tu vois s'il fait de la température ou non. Il y a vraiment plusieurs modules. On parle vraiment... il va y avoir des thermomètres dedans. Il va avoir... vous allez pouvoir avoir la météo, la pression, l'accéléromètre. Bon, vous allez sentir le pourcentage d'humidité, la radiation. Vous allez pouvoir... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Thermomètre infrarouge. Pas mal ça. Tu as fait les radiations atomiques, je pense. Écoute, ça va être... Game controller, donc peut-être qu'un jour il va y avoir un contrôleur. Puis tout ça c'est basé sur un firmware qui va être open, donc un open source. Donc on va voir des choses apparaître, ça va être fou. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis en train de lire Patrick Ducharme. Il est en train de pogner les nerfs après la deuxième photo du concours, là. Il l'a pas encore trouvé. Il dit qu'il est rendu au Colorado. Check un petit peu plus haut, peut-être. Hey, non, non, elle commence pas, là. Commence pas. Hey, attends, attends, attends, par exemple. Il dit que c'est pas Laval puis c'est pas Sainte-Foy. C'est supposé être un des deux. Oui, c'est ça. Fait qu'il va falloir changer la photo. Peut-être qu'ils ont pris une photo générique, là, tu sais, c'est comme celui de Plattsburgh. Non, mais c'est super facile à trouver, là. Il y a même des logiciels qui existent pour trouver, t'aider à trouver des photos de même. Juste un tip encore. Non, non, mais c'est pas... non, non, mais ce qu'on dit, c'est que c'est supposé être Laval ou Sainte-Foy. Fait que ben, j'ai pas vu la photo, dans... je sais pas. Non, non, mais c'est ça. Google l'a fait. OK, ben, mais c'est ça, ouais. C'est, ça c'est supposé être... être Laval ou Sainte-Foy, là, c'est ce qu'on avait demandé. Fait que, là, on le dit, mais on va aller la voir, là, mais ça devrait être un des deux. Là. Bref, ça a été mis en ligne 5 minutes avant le podcast. Ça a peut-être besoin d'ajustement. Donc, mais... on a-tu fait voilà. Le tour? Ben, en fait, on n'a plus de questions, puis il n'y a plus personne qui nous en a donné. Fait qu'on va garder les licences pour nous. Ben, j'en écoute, veux un, Clean Man Mac. Non, non, parce que tu sais, on en a parlé. Fait que il y a eu deux personnes qui ont posé des questions. Donc, il y a deux personnes qui vont avoir des licences. Maintenant, je vais. Ben, en fait, on va le faire live. Je l'ai préparé. OK. Je vais donner c'est qui a le premier choix. Donc, si, la personne qui veut Clean My Mac ou Printopia. OK. Donc, on part ça tout de suite. Et c'est Barnac qui a gagné première place. Ah, bon. Donc, c'est plus vite que tourner une roue, hein. Ah oui? Oui, fait que Barnac ouais, a gagné. Tu sais, tourner une roue, là, c'est parce que ça prend du temps. Puis là, ils peuvent faire « Ah, on va revenir dans 30 secondes » puis mettre une publicité de Vidéotron. Puis là, voici le hélico, blablabla, super cool. Hey, parle-moi pas, toi, là. Là. Fait que, ben, c'est ça, Barnac, écoute, dans le chat, toi, tu veux Printopia? Bon, ben, parfait. Fait que Éric Paquin va avoir Clean My Mac aussi, donc... Très bon logiciel. Je vous envoie ça toute la semaine prochaine. On va participer. Puis, il faut que j'envoie toutes les licences en même temps à mon contact. Donc, vous allez avoir ça la semaine prochaine, comme promis. Voilà. Fait que, en fait, puis moi, j'ai toujours pas contacté les deux premiers pour la carte de 30$ pour la Coop UQAM. Fait que, il va falloir que je leur pose une question. Mais avez-vous une suggestion de question à leur poser? C'était Alexandre, je sais. On l'avait dit, la question. C'était quoi, donc? Attends un peu. On peut reculer, j'imagine qu'on l'a écrit dans Google Docs. Ouais, on ira voir. Mm-hmm. Ouais, c'était quoi la question? Moi, je m'occupe de ça. T'as bien des choses à t'occuper. Oh. Ouais, un texte pour mon site web, tout ça. D'ailleurs, je vous le demande, s'il y a quelqu'un qui veut écrire un texte pour mon site web, faites-moi signe en DM sur Twitter. Bon, ben, on va passer à la dernière question qu'on a dans le document. Ah, OK. Ah, la dernière? Oui, on a une après. OK. J'ai acheté un MacBook Pro il y a une semaine. J'ai été capable de faire le EFI Firmware Update et après, une mise à jour Thunderbolt est apparue. Je ne suis pas capable de la faire. Elle revient toujours quand je la fais. J'ai appelé chez Apple et le gars m'a suggéré d'aller au Apple Store. Avez-vous déjà vu ce problème? Merci, un très bon auditeur à chaque semaine. Ça a été posé où? Chez nous. Ah, c'est toi. La mise à jour. Je vais regarder sur Internet. Quand j'ai acheté mon MacBook Pro, OK, il y avait de la mise à jour du EFI qu'il fallait qu'il soit faite. Fait que je l'ai faite. OK. Après, il y a eu une mise à jour du Thunderbolt qui est apparue. OK. Je la fais. Je suis incapable de la faire. Il redémarre l'ordinateur. On voit la pomme et la barre de progression en bas. OK. Il l'a fait. Quand l'ordinateur redémarre, quand je vais encore dans Software Update, la mise à jour est encore là. OK. Tu as fait là, une réparation de permission. Je veux tout essayer. Okay. Parce que là, je peux pas aller au Apple Store présentement vu que vu que j'ai un compte développeur, j'ai la version 10.7.4 dans mon Mac, fait que je peux pas aller au Apple Store parce qu'il supporte pas. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas fonctionné. Non, tu étais sur 10.7.3. Il y a quelqu'un sur les forums de Apple qui dit qu'il l'a essayé 8 fois et que finalement ça a fonctionné. À force. Ouais. C'est pas toi qui avais dit cette semaine que tu t'es fait dire qu'il fallait que tu ailles un câble Thunderbolt puis que tu le plugues dedans? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils t'ont dit? Le gars au téléphone me dit qu'il faudrait que tu ailles un câble Thunderbolt de brancher pour faire la mise à jour. Ben, parce que c'est pas le câble, la mise à jour, c'est le logiciel interne du... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un MacBook Pro 2011, fin 2011, qui nous écoute présentement? Ben, Eric Paquin doit l'avoir. Il a acheté le disque classique Thunderbolt. Non, je sais pas si Eric... Parce qu'en tout cas, il faut que j'attende que 10.7.4 sorte pour le public pour aller au Apple Store, là, parce que je peux pas y aller là présentement. Là. On avait-tu dit... c'était quoi l'image du Apple Store? On l'avait-tu dit? Non, on le dira pas. On dira pas c'est quoi. C'est supposé, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit que ce n'est pas ce que c'est supposé être. Ben, moi, je le vois. C'était quoi les deux qu'il avait donné dans le chat? Il avait donné Laval ou Sainte-Foy. Ben, c'est pas ça. Je l'ai trouvé. Ben, on peut le dire, à la limite. Oui, on va le donner. OK. C'est Fairview Pointe-Claire. Ah, voilà. C'est vrai. C'est vrai, il y en a un là. Hein? C'est vrai. Je sais pas, je suis jamais allé. J'ai l'impression que c'est comme la place à aller. Il ressemble beaucoup à Québec, je dois dire. Ouais. Avec les écrans dans le fond, là, ouais. OK. Ah ah, je suis jamais allé. Moi non plus. On va aller faire un tour là-bas. Mm. Ouais. Ouais, j'ai jamais été là. Oui, je pense que tout le monde l'oublie, celui de Fairview. Mais c'est parce que moi, j'avais l'impression que c'était comme pas un Apple Store. Je pensais que c'était quelque chose d'autre. Mais c'est comme un petit, hein. Il est pas. On n'entend pas souvent parler. Il n'y a personne, il y a deux, trois semaines, qui a fait hey, je suis en ligne à Fairview.claire pour attendre pour mon iPad. Non, on va pas se passer souvent. On va les faire capoter la prochaine fois. On va inviter comme tout le monde à aller là. On va essayer d'être une super grosse ligne. Puis genre, eux autres vont faire ah non, la dernière fois, il y avait comme 12 personnes. Fait que on fera pas rentrer de staff pour ça. Nous autres, on va être comme 250, ils vont capoter. Ah ouais, mon Dieu. Moi, j'ai hâte de voir pour le iPhone 5, là, s'ils vont faire un nouveau module, puis tu le quittes? Un nouveau module, mais aussi un pre-order. Ah, ils devraient. Je pense que ça a bien marché. Ouais. Ouais, comme on dit dans le chat, ça va pas être un iPhone 5, ça va être un new iPhone. D'après moi, ouais. Ça le va nouvel être iPhone. Ça. Ça va être ça. Non, mais je pense qu'ils ont le branding. Ils ont tout le branding de ça, par contre. Firmware update. Non. On dit dans le chat que on peut pas. Mais on ne peut pas soumettre nos réponses sur la page. Je pense qu'il y a une espèce de truc dans le bas de dans le pas de page nom des Apple Store. Oui, dans le bas, il y a un champ qui s'appelle « Nom des Apple Store 1, 2, 3, 4, 5, obligatoire. » Est-ce que tu as ça? Le prochain « Better New iPhone ». Moi, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas le champ. Comment ça ne marche pas? Je suis en train d'écrire dedans, moi. Est-ce que tu es avec quel furteur? Chrome. Peut-être avec Chrome. Moi, j'étais avec Safari, ça fonctionne. Safari aussi, ouais, ça fonctionne. J'étais avec Safari 10.8. Toi, t'es avec Chrome. Peut-être. Mais il peut pas te taper dedans? Oui, je suis en train de taper dedans. Oui, mais est-ce que c'est quand il envoie le formulaire? C'est le soumettre qui. C'est le soumettre qui fonctionne. Attends, pas. Attends, je vais essayer. J'ai les bonnes réponses, hein, puis que je me pique. Effectivement. Ça dit erreur de validation. Veuillez vérifier les champs et soumettre. Puis pourtant, j'ai tous les champs d'occuper. Ouais. On va vérifier ça. On va vous revenir là-dessus. On go smart cover. Ou sinon, on a-tu fait le tour? Oui. Je dis ça parce que je vais avoir la post-prod à faire aussi. Ah, ben oui, hein? Ouais. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs? Ah! Attends, avant de terminer le show, il y a notre maman à tous, Kim Auclair. En fait, c'est elle qui se fait appeler de même. Là. On a essayé de proposer Germaine, mais elle ne voulait pas. Donc, Kim Auclair, en fait, vous pouvez aller sur le kimauclair.ca/vote. Et je vous le dis, on ne fait plus de podcast. Si vous n'allez pas là, votez maintenant. Il faut voter pour, je pense que c'est le concours Jeunes Entrepreneurs. Oui, exactement. Voilà. Donc, ben, si on est tous l'adresse. Ici en ce moment et qu'on est tous sous la même bannière, Mac Québec, c'est grâce à Kim Auclair qui a parti cette communauté-là. C'est ce qu'elle fait dans la vie, démarrer des communautés. Et elle l'a fait parce que c'était, c'est quand même une passion pour elle aussi, le monde de Mac. Donc, je vous invite à aller voter pour qu'elle gagne. Je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais... Non, moi non plus, je ne sais pas trop c'est quoi. J'ai mis le lien dans le chat. Vincent, tu le mettras dans le podcast. Là. Fait que, Vous pourriez gagner, remporter une des quatre bourses, je ne sais pas c'est quoi, profiter d'une visibilité inespérée pour connaître votre vision, faire l'objet d'une entrevue avec les affaires, avoir la chance d'échanger avec les bâtisseurs du Québec, enrichir votre carnet d'adresses. On va y faire gaspiller la bourse sur des consoles et des micros. Il y a une bourse coup de cœur à 10 000 $ donc. On s'est acheté des bons micros. mais non. By the way, en fait, j'ai eu le OK pour acheter un nouveau micro. Au prochain événement, là, probablement cet été, JF va avoir son micro. Wouhou! Ben, JF ou quelqu'un d'autre qui descendra à Montréal. Voilà. C'est fait, j'ai voté. Merci beaucoup. Merci pour elle. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Ouais, fait que moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFRoy1979, Facebook, que je vais très rarement, et Google Plus encore moins. Ah, attends, Gabin, ça, je vais faire quelque chose live devant vous, là. Ben. Ça. Allez, l'application ici, là. Hop, ça, là, tiens, hop. Ouais. Oh! Tu vas l'effacer? Ah, l'application. Ben, je l'ai faite, là, mais elle s'accroche, là. Ouais. Ah ouais, des fois, c'est long. Tiens, voilà. Mm-hmm. Regarde, là, ça fait juste des notifications. Ça augmente jamais plus que deux. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait juste que je rentre pour les effacer, fait que ça me gosse. Bye bye, Google Plus. Quand vous aurez quelque chose à m'implanter dans la tête, vous me le direz. Par contre, Google, cette semaine, ils sont rendus à 200 000 heures d'expérimentation pour leur auto qui se conduit tout seul. Les espèces de c'est les autos qui suivent d'autres autos, là? Non, ils suivent pas d'autres autos. Ils se conduisent tout seuls. Ils sont sur la route. Tout seuls. Non, en fait, ils utilisent... c'est bien plus poussé que ça. Ben, des sensors, ouais, c'est sûr. Google Maps, ouais, c'est ça. Sur le toit, il y a un scanner laser 3 dimensions. Fait que t'as pas comme de place pour mettre des bagages ou quoi que ce soit. Puis ils mettent ça sur des Prius. Et en fait, c'est super drôle parce que le vidéo que j'ai vu, c'est un aveugle qui, tout simplement, qui rentre dans la voiture, il programme ses affaires, puis le char, tu le vois, le volant, il se conduit tout seul. Il y a un gars avec un ordinateur à côté puis une pédale de frein là, au cas où. Mais il y a plein de tests que j'ai vus. Si vous allez voir sur YouTube et que vous tapez Google Car, vous allez voir, en fait, l'aveugle, il rentre dans un drive-in. Donc, il va dans un service à l'auto, ça l'arrête pour prendre sa commande, ça continue, ça fait les tournants, ça fait tout. Et un des reportages que j'ai vu, elle a dû se faire convaincre comme du monde, là, mais le char, elle va à une certaine vitesse et la reporter saute dans la rue comme si elle arrivait de nulle part et elle se met devant l'auto. Et l'auto freine immédiatement. Donc, comme Batman dans le premier Batman avec Michael Keaton. Voilà. Moi, je ne me foutrais jamais de voir une auto, même si je sais que ça peut freiner. Qui se conduit tout seul. Ouais, ben, en tout cas, c'est pour le test, là, mais c'était vraiment impressionnant. Donc, imagine-toi le gars qui est à l'intérieur, puis qui a le pied sur la pédale, puis il dit OK, non, là, l'auto, elle va arrêter tout seul. OK, là, elle va arrêter tout seul. T'as la pogne. Puis là, tu freines. Non, mais le but de Google de faire ça, c'est que de te donner plus de temps pour être sur Internet. Puis là, ça, c'est la partie « don't be evil ». Mais la partie « evil » de ça, c'est que tu vas consommer plus de produits Google parce que tu en consommes déjà pas mal, tu sais. Puis, tu sais, t'es là, puis t'es avec ta tablette, puis t'es en train de conduire, puis à un moment donné, comme juste smash, il y a comme un gars qui rentre dans ton char, il. Le gars, il l'a pas vu ou, je sais pas, le Tingy vient de sortir une nouvelle combinaison que ça reflète la lumière, là, puis le scanner, il le voit pas, puis ça te ram solide. En tout cas, je sais pas trop. Mais voilà, donc les autos qui se conduisent tout seuls, en tout cas, moi, j'ai très, très hâte parce que je suis vraiment... En fait, moi, je conduis un peu mon auto comme si elle se conduisait tout seul. Je suis un peu du style deux œufs bacon cellulaire. Fait que quand je tweet que je sors de chez nous, restez donc chez vous. Puis comme ça, je vais être tout seul sur l'autoroute. Attends qu'il y ait un placement produit. Hey! Donne je pas vends de... des ordis. Donne pas de maudite scène. Je vais juste... Ben, en moi, fait, il m'en donne à moi. Hein. Il t'en donne à toi? Ouais. Ouais, c'est le fun. Donc, le vote pour Kim a été fait. Batman a été arrêté dans sa Lamborghini. Et Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu nous l'as dit? Non, on peut me retrouver sur les Twitter, à DEV, V Miller. Donc, vous pouvez me poser des questions si vous voulez ou juste discuter avec moi. Et sur mon site web, vmiller.ca, si vous avez une application de recette à développer, vous pouvez me contacter. Ou sinon, c'est ça. Allez voir, ben en fait... Je ne peux pas aller voir le site encore d'Alexis, mais allez voir celui en ce moment, puis poussez-le pour qu'il puisse le changer bientôt. Là. Okay, ouais. Ah, il est vraiment laid, celui en ce moment, c'est horrible. C'est atroce. Mm. Pour ma part, vous ne pouvez pas me retrouver au alexiscornelier.com pour l'instant. C'est pas une bonne idée de me retrouver là. Non, si vous voulez continuer à écouter le podcast. Là, Ouais, voilà. Vous pouvez aller, par contre, au Alex Cornelier sur Twitter. Je suis là, ma foi, assez souvent. Vous pouvez aussi me retrouver au Alex Cornelier sur Facebook. J'ai une page professionnelle qui est là avec ma face sérieuse, les cheveux attachés et tout. Là. J'ai l'air de réfléchir et presque intelligent. Vous pouvez me retrouver aussi sur le site de MacQuébec dans la section « Services », où MacQuébec offre des services de consultation, de formation et de services techniques, donc à domicile. Donc, c'est quelqu'un qui se déplace, en l'occurrence, moi. Et à ce moment-là, ensemble, on regarde les problèmes, les petits pépins que vous pouvez avoir avec votre ordinateur. On regarde qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre réseau, point de vue peut-être backup, tout ça. Et on se fait un petit plan ensemble. Voilà. Donc, messieurs, je vous... Juste pour dire quelque chose, ouais. Si vous êtes amateur de jeux, BioShock 2 est sorti aujourd'hui sur le Mac App Store. Ah! Combien? 30,99. Ah, quand même pas pire prix. Fait que... Plus d'un an et demi. Là. Ouais, c'est ça, t'sais. Puis, c'est ça. En tout cas, moi, je vous le recommande. Là. C'est comme... oubliez ça, là. C'est the best. Là. J'ai tellement hâte. Je pense que c'est en juin que BioShock Infinity sort. Fait que... Tant qu'à plugger quelque chose, là, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais j'ai contacté les gens de Paper. C'est un petit studio qui s'appelle 3040 ou 33 ou quelque chose comme ça. Ils ont sorti une application aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit qui s'appelle Paper. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars. Non. C'est sur l'iPad. Et en fait, l'équipe, c'est une ancienne équipe de Microsoft qui ne sont plus avec Microsoft. Je pense que c'est l'équipe qui développait le courrier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le projet Microsoft Courrier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une tablette double écran que Microsoft voulait sortir et qui était... vous irez sur YouTube, il y a encore les vidéos, c'est à peu près certain. Mais c'était... en fait, le concept qu'il avait montré, c'était vraiment très, très impressionnant. Il y avait tout ce qu'il fallait pour de l'écrit. Donc, les gens de... c'était comme un tu sais, ils ont fait leur espèce de table, la grosse table, je me souviens plus. Oui, je sais quoi. Ça mettait dans des casinos. 10 000 piastres, là. C'est ça. En fait, en premier, c'était comme 25 000. Il fallait des capteurs puis une salle dédiée. Là, ils l'ont minimisé. Puis là, ils l'utilisent dans Huawei 5.0. Mais Paper, c'est l'ancienne équipe de Microsoft, je pense, qui s'occupait de courrier. Et c'est une application pour dessiner, prendre des notes. Et on a un paquet de crayons différents. Donc, que ce soit un crayon à mine avec différentes couleurs, l'interface est super simple. Tu peux te faire différents cahiers. Allez voir ça sur Internet. Là, Es-tu disponible là? Oh, oui, c'est l'application est gratis. C'est quoi le nom? Paper. P-A-P-E-R. Ça date de 2011? Je pense non, pas. Non. Ça a été releasé. Là, l'icône, c'est un 53 dans rond avec une tache de gouache. Okay. Et les effets de gouache, il faut les acheter. Par exemple, les autres crayons, ils te donnent la plume, mais la plume, elle te fait des lignes. Tu fais de la calligraphie japonaise, mettons, là. Mm. Des logos japonais. Puis elle te fait vraiment, tu sais, comme. La ligne qui grossit puis qui rapetisse d'une plume. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, je vous invite à aller regarder cette application-là. La compagnie, c'est 53. 53, oui, ouais, voilà. 53. Et je les ai contactés pour avoir... je voulais avoir des promo codes pour qu'on puisse, à l'intérieur de l'application, ouvrir ces autres plumes-là, parce qu'il y a un crayon à mine, un crayon à l'encre, un surligneur, un pinceau pour faire de la gouache. Et les effets de gouache sont vraiment très, très bien. Je ne sais pas si je peux vous montrer rapidement. Tu as reçu des commandes? Ah oui, ça a l'air bien. Oh, non, mais c'est ça, l'affaire, c'est que le gars m'a réécrit puis il m'a dit, écoute, je vais répondre à toutes tes questions, mais au niveau des codes, je ne peux pas t'en donner. Fait que... Ouais, ben écoute, ils sont assez sollicités, je suis sûr. Là. Non, c'est pas ça. C'est parce que des codes in-app, ça n'existe pas, d'après ce qu'il me dit. Ah, ça se peut. J'ai jamais fait d'in-app. Fait que j'ai aucune idée. Peut-être. Donc, je sais pas si on peut voir, mais quand je fais une ligne, je peux y aller délicatement, je peux y aller plus fort, puis ça va vraiment faire des lignes selon. Et ici... Voilà, je vais me prendre une espèce de couleur de gouache. On le voit pas très bien, mais... Effectivement, on voit pas très bien. On voit pas très bien, mais ça fait vraiment comme de la peinture à l'eau. Tu sais que tu es obligé de mettre plusieurs couches pour que ça fasse plus foncé. Fait que, essayez-la. Au niveau de la plume, c'est gratuit. Au niveau des autres outils, ils sont vendus 1,99 chacun ou 7,99 pour le package au complet. Moi, je l'ai acheté parce que je suis un fou dans la tête. Je vais à peine l'utiliser, mais c'est une très belle application. Elle est vraiment très simple. Les carnets sont très beaux. Et puis, vous pouvez partager après ça sur Tumblr, Facebook, Twitter, envoyer par email. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je la trouve plus belle que, par exemple, des applications comme Adobe Idea. Là, où, Voilà. C'est sûr que je vous ai montré des exemples, mais tu couperas tout le bout de cette application-là dans le truc. Ce sera juste pour les gens qui étaient très live. Dans ce podcast-là. Ouais. Fait que demain soir, en ligne. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, messieurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Bye.